Jusqu'au 21 avril 2024, la Fondation Cartier pour l'art contemporain présente Le souffle de l'architecte, une exposition inédite de Bijoy Jain, fondateur du studio Mumbai et figure incontournable de la scène architecturale indienne. Dans cette création totale explorant les liens entre l'art, l'architecture et la matière, il déploie, en dialogue avec le bâtiment de Jean Nouvel, un espace de rêverie et de contemplation. Une expérience physique et émotionnelle à vivre à la Fondation Cartier. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Troisième épisode ce matin de notre série sur l'humour, où nous ne cessons de fouiller ce qui se blottit dans l'humour, ce qui se cache parfois en lui et grâce à lui. Aujourd'hui, une émission sur l'autodérision. Nous n'échapperons pas aux querelles de mots qui ont leur importance. On distingue parfois entre autodérision et autosatire, distinction qu'il faudra éclairer et j'attends beaucoup de mes invités sur ce point. Nous n'échapperons pas non plus à un grand classique de la moquerie de soi-même, la culture juive. Certes, celle-ci n'en a pas l'exclusivité, mais quand même, c'est une de ses grandes spécialités. Il n'est donc pas tout à fait étonnant qu'après avoir cherché longtemps des exemples typiques, artistiques, d'autodérision ou de moquerie de soi-même, l'équipe d'Avec Philosophie vous propose finalement une émission où il sera beaucoup question de Woody Allen et de Philip Roth. Nous ne réduisons pas complètement ces deux-là, ni à cette sensibilité juive ashkénaze qui imprègne leur univers, ni à ce simple mot autodérision, ce serait dommage. Essayons surtout aujourd'hui d'entrer dans leur univers avec une curiosité philosophique. Bonjour Bruno Hischer. Bonjour. Vous êtes journaliste, critique et historien du cinéma, ancien rédacteur en chef de Télérama, membre du comité de sélection de la quinzaine des réalisateurs. Vous êtes déjà venu ici nous parler des grands bandits. Oui. Dans le cinéma, nous avons pu voir votre finesse philosophique. Oui, je le dis comme ça. Merci. Aujourd'hui, vous nous parlerez de Woody Allen. Bonjour Tania Loper. Bonjour. Alors vous êtes actrice et comédienne franco-américaine. Vous avez tourné notamment dans Vacances à Venise de David Lean, mais encore dans Quoi de neuf, Pussycat, réalisé par Clive Dooner sur un scénario de Woody Allen. Woody Allen que vous avez fréquenté pendant ce tournage, vous nous raconterez. Vous avez aussi publié un livre il y a quelques mois aux éditions de l'Archipel, livre dont le titre « Mémoire d'une comédienne ratée » vous prédisposez vraiment à faire cette émission avec nous aujourd'hui. C'est gentil. Enfin, bienvenue à Marc Weissmann, que les auditeurs de France Culture connaissent bien. Bonjour. Bonjour. Vous produisez l'émission Signe des Temps, diffusée sur France Culture tous les dimanches de 12h45 à 1h30. Par ailleurs, vous êtes journaliste et écrivain et excellent spécialiste de l'œuvre de Philip Roth. Alors, j'ai pour commencer une surprise pour vous, car j'avais envie de commencer cette émission sur l'autodérision avec quelqu'un d'autre que Woody Allen et Philip Roth. Les histoires habiles me font rire. L'histoire ? Abide. Par exemple, celles qui n'ont aucun succès. Celles qui n'ont aucun succès, enfin. Et ça vous est arrivé à vous, de raconter une histoire supposée drôle et de... Ah oui, mais alors là, oui, 100 fois. Faut dire que moi j'avais des numéros qui cherchaient particulièrement le bide. Je dressais les pastilles Valda pendant un moment. Mon premier numéro, donc, il attaquait pas le régime. J'avais 40 pastilles Valda sur une table et je disais je voudrais faire un numéro de dressage. Et comme elles ne bougeaient pas, je disais elles font la tête. Enfin voilà, c'est bon. Ça ne me faisait pas hurler de rire parce que c'était quand même conditionné. Enfin, disons que le casse-croûte était directement conditionné à ça. Et on se disait si je prends vraiment trop de bites tous les jours, bah, plus personne n'en prendra jamais. Puis je vais pouvoir aller par les Yéwa, aller porter des cajots. Mais maintenant. Pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, c'est une grande volupté. Arriver, faire tout un numéro, et puis ne pas avoir une réaction, voir des grands yeux ouverts, et pas une lueur, ça, c'est une grande volupté. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mulman. C'était Jean-Yann sur l'ORTF en septembre 1971 qui évoque ces histoires à bide, ces vannes qui tombent à plat et qui dit que c'est une grande volupté. Bruno Hischer, j'ai trouvé que c'était une très bonne manière de dire ce que ça donne quand l'humoriste se moque de lui-même. Au fond, c'est ça, c'est quand il se rate. L'histoire à bide, c'est le comble pour l'humoriste et savoir en jouir, comme le dit Yann, c'est assez magnifique, non ? Oui, c'est le dernier terme de l'autodérision, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de cette logique-là et de faire en sorte que ça ne déclenche pas, le fait de se moquer de soi-même ne déclenche pas des salves de rire, mais au contraire, une espèce de silence consterné, et là c'est vraiment aller au bout, c'est un peu comme les joueurs. Les joueurs ne recherchent que la perte. Je crois qu'ils arrivent à une sorte de volupté suprême en perdant tout. Pas en gagnant, parce qu'en gagnant, on peut pas cesser de gagner, mais il arrive un moment où on peut tout perdre. Et là, ça me paraît être dans la pulsion, comme ça, enfin, l'espèce de passion du bide, quelque chose qui s'en approche. Ouais. Vous aussi, vous trouvez, Marc Weissmann, que le comble de l'autodérision, c'est en effet peut-être cela, se planter. Et moi je crois pas tellement. En France, il y a beaucoup, il y a un goût pour l'autodérision. Hein, mais moi, j'y crois pas tellement. Je crois que il faut faire une grande différence entre l'autodérision et l'autosatire. L'autodérision, il y a quelque chose de ça a à voir avec le narcissisme et ça a à voir avec une position de faiblesse et presque de mépris de soi, selon moi. Donc de destruction du narcissisme. Non, c'est le contraire. Le narcissisme, c'est un défaut d'ego. Et donc, c'est parce qu'on n'est pas sûr de soi il y a un mépris secret de soi et qui passe par une forme de dérision. Dans l'autodérision, il y a la dérision. C'est-à-dire, effectivement, on est dérisoire, on est loser, on perd, comme vous venez de le dire. Donc, ça a à voir avec la perte. Oui. La satire, ça suppose une certaine force. Ça suppose il y a un danger dans la satire. Il y a un danger qu'on est capable d'assumer. Et vous pensez, par exemple, que tant Woody Allen que Philippe Roth sont plutôt dans l'autosatire au sens où, ça c'est indéniable, ils ne font pas des bides. C'est pas le but. Le but, c'est de faire rire. C'est que quelque chose réussisse. Ils ne sont pas ils ne se plantent pas. Ils veulent au contraire jouer avec une forme de faiblesse mise en scène, mais qui est très forte. Woody Allen, je sais pas très bien comment le caractériser, mais Roth, c'est sûr qu'il n'est pas dans la dérision du tout. Il est dans tous les personnages de Roth sont des personnages forts. C'est des personnages ils ont un grand sens de leur de la sédition et le terme central, c'est le jeu. Oui. On joue avec des possibilités de soi, y compris des possibilités railleuses, impures, dangereuses, et on voit jusqu'où on peut aller. Ouais. Et jusqu'où ça peut aller. Et on joue avec les limites. Mais c'est très très loin de la dérision. Le fait de jouer avec les parts les moins nobles de soi ne signifie pas qu'on les méprise. Mais peut-être, ça vous ennuie pas si j'ai tendance à mettre un résidu de narcissisme dans tout ça, en fait. C'est la question du soi. On joue avec soi, on peut pas non plus dire qu'on n'est pas dans une forme de narcissisme, qui est pas forcément un mauvais mot. Il me semble que non, parce que il y a une grande différence entre le narcissisme et l'égotisme. Il me semble. Le narcissisme, c'est une faiblesse de l'ego. On peut pas faire confiance, à mon avis, à quelqu'un qui est narcissique. Quelqu'un qui a un ego fort, on peut lui faire confiance. L'égotisme, c'est savoir qui on est et réfléchir sur soi. Narcissisme, c'est quelqu'un qui est si peu sûr de lui, qui se connaît si peu, qu'il est complètement obsédé par lui-même. C'est très différent. Alors, on va passer à vous qui avez connu Woody Allen, chère Tania Loper, qui a écrit ce livre sur la comédie ratée. D'abord, j'ai une première question. Avoir intitulé son livre « Mémoire d'une comédienne ratée », est-ce de l'autodérision, au sens que vient de dire Marc Weissmann, c'est-à-dire mettre en scène la perte, non. Le fait de ne pas avoir eu du succès? Non, j'ai eu du succès. Alors, qu'est-ce que non, c'est? Non, je vais vous dire la raison pour laquelle Jean-Daniel Belfond, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime et je le remercie d'avoir publié ce livre, C'est parce que il a trouvé le titre, parce que comme je suis plus connue du tout, enfin, même si j'étais un peu connue dans le temps, maintenant je suis vieille et c'était il y a 20 ans que j'ai eu du succès au théâtre, un petit succès. Et donc, il trouvait ce titre, comment on peut dire, que les gens allaient être intrigués par ça. Et moi, j'ai dit oui, parce que j'ai beaucoup d'humour. Enfin, sur moi-même, vous êtes très, très, très intellectuels tous les deux. Moi, je ne suis pas du tout intellectuelle. Je pense qu'on est né avec un don d'être drôle, personnellement. Je pense que Jean-Yann, les comiques sont tristes dans la vie. Enfin, Philippe Roche, je n'ai pas connu, mais Woody Allen, je l'ai connu. Charlie Chaplin, j'ai eu la chance de le connaître. Il était un homme très triste dans la vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si j'ai tort de dire ça. Mais en tout cas, vous êtes la seule à avoir connu nous trois, nous quatre ici. Donc en fait, c'est vous qui savez comment ils étaient dans la vie. En tout cas, Woody Allen que j'ai connu au début, et là il a un humour naturel. Mais c'est un homme quand même, pour moi, triste. Je veux dire, c'est pas quelqu'un de drôle dans la vie. Si, il peut être drôle, mais Charlie Chaplin, que j'ai eu la chance de connaître, et j'ai dîné chez lui, et j'étais chez lui quand j'étais très très jeune, il n'était pas du tout comme Charlot qu'on voit à l'écran, quoi. C'était un homme déjà âgé. Mais pour moi, être drôle, c'est un don, quoi. On me trouve drôle et je me trouve sinistre. Donc, je ne fais pas exprès d'être drôle. Je suis drôle, voilà. Mais pas que j'ai un grand talent, mais les grands comiques comme Pierre Richard, qui est drôle, il n'est pas drôle dans la vie non plus. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, au fond, ça n'a pas... Attendez, on va voir ce qu'ils en pensent, s'ils ont connu tous ces gens-là, parce qu'encore une fois, c'est difficile, vous nous donnez un témoignage que vous êtes la seule à avoir. Mais est-ce que vous pensez que le seul sujet qui doit nous intéresser là, c'est les personnages qu'ils représentent, soit comme narrateur, parce que le narrateur n'est pas toujours l'auteur, je sais bien qu'on a tendance à l'oublier en ce moment, mais Philippe Roth, c'est la façon dont il met en scène, en prenant parfois un autre nom, Nathan Zuckerman, c'est ça qui nous intéresse, plus que ce qu'il était vraiment, et pareil pour Woody Allen, ce qu'il était vraiment, au fond, c'est pas notre sujet, nous, c'est ce qu'il fait de lui-même et de certains de ses acteurs dans ses créations, c'est ça, c'est là qu'on va voir l'autodérision, l'autosatire, narcissisme, pas narcissisme, etc. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Je pense que Woody Allen, il est très juif, d'abord. Vous avez, tous les deux sont très juifs. Moi, je suis juif aussi, mais bon, moins juif qu'eux. Mais je pense pas que Woody Allen soit quelqu'un de égocentrique au point que vous avez... Je crois que c'est le contraire, ce que vous avez dit. Vous avez parlé de parler à Marc Weissman, là. Oui. J'évoquais le narcissisme, même parce que l'auditeur, il ne peut pas savoir à qui pardon, parler. Vous savez, je ne suis pas... Oui, vous avez dit les deux choses. Je ne sais pas... Je pense que Woody Allen, il a une autodérision malgré lui. C'est-à-dire, il est très intellectuel, mais moins intellectuel, ça c'est à mon avis, que Philippe Roth. Enfin, il a une autre façon de s'exprimer. Il a besoin de s'exprimer avec ses doutes, avec sa souffrance d'enfant. Parce qu'être juif à cette époque-là, c'était pas drôle. Hein. Je veux dire, tout ça est mélangé dans ce qu'il raconte dans ses personnages. Vous êtes d'accord, Bruno Hichère, que on peut pas juste en faire une jouissance obscure et un peu douloureuse d'un moi très narcissique. Au fond, il y a du jeu chez Woody Allen. Il met en scène quelque chose différemment de Roth avec lui-même, mais c'est quand même... Alors, nous, on va appeler ça autodérision. Je suis désolée, Marc Weissman. Je comprends très bien les autosatires, mais on peut pas juste réduire ça à du rétrécissement narcissique. Non, effectivement, je crois pas. C'est chez Woody Allen. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'où il vient. Il a un double héritage qui est à la fois celui de d'une famille juive modeste ashkénaze venue d'Europe au début du siècle, etc. Donc avec ce lot de souffrances et de mémoires. Et il vient aussi des grands burlesques américains dont il était très friand oui. quand il était enfant, et qui est, il y a une tradition à la fois théâtrale et cinématographique de se mettre en scène en souffrance. C'est-à-dire tous les grands comiques, tous les grands burlesques en particulier, ont cette faiblesse, cette vulnérabilité à l'écran qui les rend à la fois aussi attachants et à la fois aussi nobles, même s'ils ne le sont pas. Et aussi drôles. Et aussi drôles. Parce que c'est clownesque, donc c'est systématiquement jouer de cette vulnérabilité, de cette faiblesse, d'une certaine laideur, en tout cas de ne pas être le héros typique de cinéma. Et chez Woody Allen, mais ce qui est vraiment intéressant chez Woody Allen, c'est la façon dont il bascule à un moment. C'est-à-dire qu'il est très jeune, il a commencé à travailler, à écrire pour des journaux, à faire devenir gagman, etc. Mm-hmm. Et à un moment, il a découvert qu'il était un comédien. Et parce que ses agents l'ont poussé un peu sur scène, etc. Et il a vu que ses pires défauts, au fond, étaient les vecteurs de son succès. C'est-à-dire qu'on riait de le voir bafouiller, hésiter, soupirer, se tromper, bégayer, etc. Les caractéristiques de Allen ont été en fait le fondement même de son succès. Et dès lors, je pense qu'il a totalement exploité cette veine-là. Alors on va voir comment dans Annie Hall, dont vous nous direz tout à l'heure, Bruno Hichère, pourquoi c'est un film majeur, un vrai tournant dans sa carrière, en 1977, comment justement il met en scène ce personnage Alvis Singer qui découvre qu'il est drôle sur scène face à des étudiants alors qu'il raconte combien sa vie est sinistre et pleine d'angoisse. C'est vraiment emblématique du personnage et de la créativité de Woody Allen. On écoute. Where am I? I have to reorient myself because this is University of Wisconsin, right? Où suis-je? Il me semble qu'il faut que je me rajuste un peu. Ici, c'est l'université du Wisconsin. Je vous avoue que je suis toujours un peu tendu devant un public d'étudiants. Mon livret universitaire est nul, il faut dire. Je suis allé à l'université de New York et ils m'ont viré dès ma première UV pour avoir copié sur mon voisin en métaphysique. En fait, j'avais un peu trop regardé dans l'âme du type assis à côté de moi. Quand on m'a foutu dehors, ma mère, une femme hypersensitive, s'est bouclée dans la salle de bain et s'est fait une overdose de jetons de mahjong. Ça m'a abattu. J'étais en analyse et au stade suicidaire, il faut bien le dire. But I was in analysis with a strict Freudian, and if you kill yourself, they make you pay for the sessions you miss. Je me serais tué sans problème, mais mon analyste était un Freudien très strict. Et avec eux, quand on se tue, il faut payer toutes les séances qu'on a manquées. Pas de pitié. Bruno Hichère, toutes les bases de l'humour de Allen sont posées là. Et pourquoi Annie Hall est un tournant? Annie Hall est une étape décisive dans le cinéma de Woody Allen. D'abord parce qu'il quitte le domaine de la farce et de la comédie pure et qu'il donne à la fois sa propre définition du cinéma en cherchant des formes nouvelles, en tout cas des formes qui ne se font pas à l'époque. Il ouvre le film par un long monologue face caméra qui est à la fois son héritage de comédien et à la fois une façon de briser le quatrième mur de façon immédiate, brutale. Et il fait ça à plusieurs reprises dans le film, il s'adresse directement au spectateur, il intervient, il apparaît dans le champ à un moment dans une scène où il est à l'école, il apparaît quand il est adulte, enfin, et il donne des explications, des commentaires à ce texte. Donc il y a cette recherche formelle vraiment de trouver des solutions cinématographiques à son discours qui sont tout à fait particulières. Et puis l'autre partie, c'est qu'effectivement, il y a une mise en scène de lui-même. Ce qui est intéressant aussi avec Woody Allen, c'est qu'il a toujours refusé de commenter, d'abord prétendant qu'aucun de ses films n'est autobiographique, ce qui est à la fois relève du mensonge le plus total, mais à la fois d'une volonté de mettre à part tout ce qui est du registre de l'intime le plus profond. Et il est dans le film une sorte de, effectivement, de parodie de lui-même. Et c'est du moins l'impression qu'on a. Voilà. Tout en refusant toute dimension autobiographique. Alors, la névrose, l'angoisse, comme ayant un pouvoir comique et un pouvoir littéraire. À première vue, en tout cas, c'est quelque chose que Woody Allen a en commun avec Philip Roth. Marv Weisman, bon, il y a évidemment dans Portnoy et son complexe de 1969, on a l'exemple même d'un personnage, une sorte de double de Roth, on peut l'imaginer, qui en analyse, déverse toutes ses angoisses, toute sa culture juive, sa sensibilité, et qui peint sa famille, qui se moque, et puis qui rapporte aussi toute sa névrose, mais sous forme toujours de point d'interrogation à sa judéité. Enfin, docteur Spielfogel, qui nous a rendus si morbides, si hystériques, si faibles? Est-ce la souffrance juive dont j'ai tant entendu parler? Est-ce pour moi l'héritage des pogroms? Mais accordez-moi donc la force virile. C'est bien un personnage faible, en tout cas en apparence, qui demande de la force. Il y a quand même un point d'interrogation. Est-ce qu'il ne serait pas en train d'utiliser beaucoup l'ancrage dans une culture juive pour s'expliquer lui-même? Enfin, tout ça, ce sont des thèmes proches de Woody Allen. Alors, moi, je les rapprocherais pas tant que ça, en fait. Parce qu'effectivement, Woody Allen, il se met en scène, c'est constamment, ça vient d'être dit, ses faiblesses. Il est le faible qui est secrètement fort en réalité. Il s'aimait pas. Enfin, Roth n'aimait pas du tout Woody Allen, en partie à cause de ça. Oui, il le méprisait profondément, pour plein de raisons personnelles, mais aussi artistiques, parce qu'il pensait que justement cette exhibition d'une faiblesse apparente était très perverse. Ce que fait Roth dans Portnoy, le vrai sujet de Portnoy. Bon, Portnoy met en scène un type qui passe son temps à se masturber de manière frénétique, irrépressible. Mais le point central, c'est ce qu'on oublie toujours, c'est sa profession. Le Portnoy est responsable des droits civiques à la mairie de New York, c'est-à-dire que c'est un type vertueux. Et c'est le sujet du livre. La phrase centrale, c'est « j'en ai assez d'être un gentil garçon juif qui s'efforce en public de contenter ses parents, tandis qu'en privé, il se bricole le paf ». Il y a derrière la blague, il y a un vrai sujet qui, dans tous les livres de Roth, le problème de la vertu morale, comment s'en débarrasser quand on ne peut pas s'en débarrasser, et qu'est-ce qu'on fait de ses pulsions. Donc Portnoy est drôle. Woody Allenien aussi, mais j'entends ce que vous dites. Pas tout à fait, parce que Roth travaille l'excès et pas la faiblesse. Portnoy est drôle, mais si vous donnez du pouvoir à Portnoy, la comédie se change en quelque chose de beaucoup moins drôle. Vous avez, Dominique Strauss-Kahn par exemple, c'est beaucoup moins drôle. Donc Philip Roth met en scène un problème de fond qui est le rapport de la morale à la nature de ce qu'on est. Et il travaille l'impureté de l'être face à l'idéal moral qu'il prône. Oui. C'est là-dessus qu'il joue. Donc le comique chez Roth ne vient pas de la dérision, mais il vient vraiment d'une espèce de je vais satiriser certains traits. C'est pas tellement autobiographique, en particulier Portnoy, il ne l'est pas. C'est plutôt, il s'est inspiré, concrètement, il s'est inspiré d'un certain nombre d'histoires qu'on lui a racontées. Mais il y a c'est ce conflit qui met en scène constamment, et les ressorts comiques peuvent très vite se transformer en ressorts tragiques, en fait. Les mêmes histoires, par exemple le Théâtre de Saba, qui est un livre qu'il a écrit 30 ans plus tard, qui reprend un peu le côté séditieux, enfin qui reprend un peu ce conflit, est un livre beaucoup plus séditieux et beaucoup plus sombre. Oui. Que Portnoy, exactement sur la même base. Donc on peut raconter, Roth était quelqu'un de très drôle dans certains de ses livres, mais le fond est tragique. Et la question de la virilité, en particulier dans le monde juif, de cette génération qui a été confrontée à l'anéantissement, n'est pas du tout une question drôle. C'est quand même génial que Portnoy demande à son analyste de lui donner de la force virile, lui qui se masturbe toute la journée. Mais précisément parce qu'il ne se sent pas exister. Parce qu'il se sent constamment étouffé, soit par la morale, par le poids de l'histoire, par des choses comme ça. Donc comment retrouver une énergie? Ce type de livre, ce type d'histoire et ce type de discours est indissociable de ce qui se passe à l'époque, c'est-à-dire ce que Lanzmann appelle la réappropriation de la violence par les Juifs. Oui. Mais expliquez ce que ça veut dire. Portnoy n'est pas un livre sur la violence, c'est un livre sur les pulsions. Oui. Mais il y a quelque chose de commun, c'est-à-dire qu'il s'agit de dépasser le statut de victime, le statut le face-à-face avec l'anéantissement, pour retrouver rendez-moi fort. C'est-à-dire que cette phrase qui est Portnoy à son analyste, c'est exactement la phrase que disent les sionistes à ce moment-là en Israël. Retrouver une forme de force. Et vous pensez au fond qu'il l'a trouvée. On va y revenir parce que c'est peut-être l'Amérique, le véritable destinataire de cette force à trouver. On va y revenir. On a en plus de très belles propositions. Mais évidemment, j'allais me tourner vers vous, Tania Lopère, je vous en prie. Non. Quand il a écrit Portnoy's Complaint, il était très, très, très jeune. Donc, je me dis que si l'histoire, parce que j'ai un souvenir, évidemment, j'ai lu ça il y a pas très longtemps, j'ai un souvenir qu'il se masturbe beaucoup dans la salle de bain pour que ses parents Et bon, je pense aussi que c'est qu'il était tellement jeune que c'était le début de son œuvre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il approchait la quarantaine. Quand il a écrit le premier livre? C'est pas son premier livre du tout. Ah, c'est pas le premier. Non, pas du tout. Il a écrit ça. Goodbye Columbus. Goodbye Columbus, c'est le premier. Ensuite, il y a Letting Go. Ensuite, il y a Quand elle était gentille. Ensuite, il y a Ma vie d'homme, qui est un très grand livre. Et entre temps, il commençait à essayer de réfléchir à Portnoy. C'est drôle. Il a écrit ce livre. C'est le livre qu'il a écrit ce livre après 7 années d'un mariage catastrophique. Pour le coup, qui était un mariage vraiment tragique, qui s'est achevé par la mort accidentelle de sa femme. Donc, c'est une histoire très noire. Et le livre a été Portnoy a été une sorte de libération, pour lui. Et qui va avec la fin des années 60, qui s'inscrit effectivement, enfin, on va en parler, dans un contexte, celui de l'Amérique de la fin des années 60. Mais c'est pas du tout son premier livre. Mais moi, j'ai lu, bien sûr, Goodbye Columbus et la femme là. Comment ça s'appelle ? Je voulais en faire un film d'ailleurs. Vous avez dit le titre de ce livre-là. Il y en a deux, Quand elle était gentille ou Ma vie d'homme ou Letting Go. Non, Letting Go aussi, je l'ai lu. Mais c'est drôle comme la mémoire vous trahit parce que bon, il y a très très longtemps quoi. Et pour moi, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave, je les ai lus après. Mais je trouve qu'ils sont très différents, Philip Roth et... Oui, en quoi? Et Woody Allen, peut-être parce que je connais Woody Allen personnellement et que je l'ai vu à travers des années et tout ça. Et... C'est pas la même quête artistique, c'est ça? Non, pour moi, non. Je connaissais évidemment pas du tout Philip Roth, mais Woody Allen, c'est un homme très, très timide dans la vie, c'est-à-dire il parle pas beaucoup, il est très, par exemple, je vous donne un exemple, je l'ai revu des années après à Paris quand il jouait la clarinette et tout le monde voulait aller le voir en coulisses, moi bon j'étais intimidée et tout, j'étais au fond du truc et il m'a vu, mais ça faisait longtemps qu'il m'avait pas vu, il a commencé à dire mon nom en disant il faut que je te présente ma femme et ma sœur et tout. J'ai débuté avec elle. J'ai débuté avec elle. J'ai trouvé ça incroyable. J'avais un petit rôle dans What's New Pussycat. Et lui... Il était scénariste pour une raison très précise. C'était Warren Beatty qui devait faire le film. Et Warren Beatty était engagé par Charlie Feldman, qui était le producteur du film. Oui. Mais Charlie Feldman était avec Capucine à l'époque, était une très grande, un grand mannequin. Et quand Warren Beatty a appris que elle allait jouer le rôle, il a dit non, je veux plus faire le film. Et c'est là où Woody Allen était engagé, qui n'était pas connu du tout à cette époque-là. Et c'est comme ça qu'il est devenu ce qu'il est devenu, quoi. Parce que c'était un énorme succès, What's New Pussycat. Nous parlons de l'autodérision ce matin dans le cadre d'une série sur l'humour et je suis très très bien accompagnée par Tania Lopère, ancienne actrice qui a écrit ses mémoires d'actrice ratée, mais elle vient de nous dire que c'était plutôt un titre choc qu'une réalité et ça me fait très plaisir. Je suis aussi en compagnie de Marc Weissmann et de Bruno Hischer. Nous parlons beaucoup de Woody Allen et de Philip Roth. Bruno Hischer, j'ai l'impression là dans vos échanges que ce que vous dites tous, c'est que Woody Allen est beaucoup plus consentant, j'emploie ce mot assez à la mode, consentant à l'égard de la faiblesse, et qu'il joue avec, qu'il la met en scène. Alors que Roth, quand il met en scène Portnoy demandant de la force à son analyste, il y a quelque chose de sincère là-dedans. Il veut sortir d'une faiblesse liée, disons, à un monde pulsionnel non maîtrisé. La non-maîtrise clownesque, Woody Allen adore. Oui, il adore, et d'une certaine manière, c'est un fonds de commerce chez lui. C'est-à-dire qu'il a, saisi assez vite les ressorts de son propre comique, et il les a déclinés quasiment à l'infini. C'est-à-dire en se mettant toujours dans une position. Il raconte par exemple un truc, c'est que il aurait aimé travailler avec des grands acteurs, avec Dustin Hoffman, avec etc., mais que pour des raisons d'économie, il préférait jouer lui-même les rôles, ce qui est évidemment faux. Il a un talent de comédien, il le sait, il sait qu'une partie, une des clés de son succès, c'est précisément parce qu'il est à l'écran et qu'il incarne tous les thèmes dont il est le porteur, comme ça, qu'il soit la judéité, la mort, l'angoisse existentielle, les femmes, etc. Il le porte mieux que quiconque. Et donc sa présence dans les films comme acteur, pas du tout pour des raisons économiques, c'est parce qu'il en a fait effectivement un fonds de commerce, et qu'il a beaucoup, beaucoup travaillé effectivement de manière un peu perverse, comme le dit Marc, sur une dévaluation de lui-même qui cherchait au fond à une certaine reconnaissance, et qu'il a obtenue dans des proportions extravagantes d'ailleurs. There's an old joke. Two elderly women are at a Catskill Mountain resort, and one of them says. C'est une vieille histoire. Deux mamas juives du troisième âge prennent le verre dans les Catskills. La première dit, mon Dieu, ce qu'on mange mal dans ces auberges de campagne. Et l'autre ajoute, oui, mais par contre, c'est pas copieux du tout. Eh bien, moi, c'est exactement comme ça que je vois la vie. Un monument de solitude, de misère, de souffrance et de malheur. Et en plus, il faut bien dire que ça passe comme un déjeuner de soleil. The other important joke for me is one that's usually attributed to Groucho Marx, but I think it appears originally in Freud's Wit and Its Relation to the Unconscious. And it goes like this, I'm paraphrasing. I would never want to belong to any club that would have someone like me for a member. L'autre blague importante pour moi, c'en est une qu'en général on attribue à Groucho Marx, mais elle serait plutôt de Freud dans le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient. Ça donne un truc dans genre, je paraphrase. Je ne ferai jamais partie d'un club qui souhaiterait m'avoir moi pour membre. That's the key joke of my adult life in terms of my relationships with women. Cette blague est la clé de ma vie d'adulte au niveau de mes rapports avec les femmes. Vous voyez, ces temps-ci, je ne suis plus tout à fait moi-même parce que je viens d'avoir 40 ans. Il me semble que je traverse une crise. Enfin, je ne sais pas. Remarquez, je veux bien vieillir. Je ne suis pas de ceux qui s'accrochent. Non, je sais bien, ça commence à se dégarnir là-haut, mais franchement, ce serait me chercher la petite bête. Je crois que je vais embellir en avançant en âge. Je crois que je vais devenir le type même du mâle viril et chauve. Exactement l'antithèse du séducteur autant argenté classique. Ou peut-être ni l'un ni l'autre. Je serais peut-être un de ces vieux bavoteux filets de salive au coin de la bouche qui battaient la semelle dans les années 30, le cabas à la main en se faisant les apôtres du socialisme. Unless I'm one of those guys with saliva dribbling out of his mouth who wanders into a cafeteria with a shopping bag screaming about socialism. Encore un extrait de Annie Hall. Mais c'est le monologue qui ouvre le film. Ouais. Bruno Hischer, il y a une référence explicite à Freud qui disait dans le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient que il est difficile d'imaginer. Enfin, il ne sait pas, dit Freud, j'ignore s'il y a d'autres peuples qui se moquent autant que le peuple juif de sa propre nature. Et là, évidemment, Woody Allen, en tout cas, lui, signe une forme de filiation, quoi. Et en même temps, dans la détestation, c'est horrible, mais je ressemble à mes vieilles tantes qui crachaient dans la soupe toute la journée. Oui, sur les rapports familiaux, etc. Il a été c'est un de ses sujets favoris sur le fait de se moquer de sa famille, de trouver ça insupportable. Mais en même temps, c'est aussi la matrice de l'humour de Woody Allen, c'est-à-dire que dans Annie Hall, par exemple, il se situe clairement dans cette toute petite minorité intellectuelle de New York, très à l'abri de tout. Ils sont tous artistes, ils gagnent tous pas mal d'argent, ils vont au cinéma, aux expos, ils écoutent de la musique, etc. Et Woody Allen fait une forme de, à la fois d'allégeance à cette communauté-là. Je me souviens de la scène où il fait la queue dans le cinéma et où derrière lui, il y a un imbécile qui est en train de pérorer sur Marshall McLuhan. Et Woody Allen, exaspéré au bout d'un moment, va chercher le vrai Marshall McLuhan pour expliquer au cuistre qui est en train de parler qu'il fait erreur sur toute la ligne. Donc il fait allégeance à cette communauté-là et en même temps semble la détester, c'est-à-dire être exaspéré par elle. Et au fond, c'est le même schéma qui se reproduit. Alors à la fois pour la famille, donc il parle d'une vieille tante qui ressemble au golem parce qu'elle est d'une laideur absolument indescriptible, enfin des choses comme ça, donc assez drôle. Et en même temps, il reproduit ce système-là, oui. C'est-à-dire qu'il est, il est incapable. Le titre original, le premier titre de Annie Hall, c'est Anhedonia, c'est-à-dire ce syndrome qui est de l'incapacité à jouir, à ressentir du plaisir, l'insatisfaction chronique et permanente. Et je pense que c'est vraiment la clé de tout le comique de Woody Allen. Alors, reproduire ce qu'on déteste et ne pas arriver à jouir de l'existence, c'est probablement, en effet, comme l'a dit Mark Weisman, tout ce que Rowe détestait, donc là je comprends mieux pourquoi il n'aimait pas Woody Allen. Pour aller dans votre sens et pour aller plus loin aussi, voici un texte de Philip Rowe dans Explication, qui est un morceau de Pourquoi écrire, ce livre de 2019. Dans la mesure où la règle freudienne veut que rien dans l'histoire personnelle d'un individu ne soit trop anodin ou trop vulgaire pour être évoqué, et que de la même façon, rien ne soit trop monstrueux ou trop noble, la séance de psychanalyse me fournissait un cadre approprié pour donner au débordement la possibilité de s'exprimer. Le cabinet de l'analyste, lieu dans lequel se déroule le livre, est très exactement l'endroit où l'on n'a guère besoin de censurer quoi que ce soit. La règle est qu'il n'y a pas de règle. Et telle était la règle que je m'étais engagé à suivre dans ma description satirique de la façon dont un fils se moque de sa famille juive, alors que celui qui est l'objet de la moquerie la plus risible est en fait le fils, celui-là même qui se moque, tout entier prisonnier de cette vociférante satire de lui-même. L'ignoble méchanceté de cette raillerie, combinée à l'hyper-réalisme de la satire, le portrait qui frise la caricature, la fascination pour le salace et le bizarre, ne fut pas bien évidemment du goût de tous, pas plus que la grossièreté de la polémique entretenue par Portnoy. L'inconvenance de ses appétits ou sa coupable jubilation à propos d'orgasmes dignes d'un numéro de cirque. Personnellement, et à l'inverse, j'étais emporté sur les ailes du rire et du ravissement, loin de mes premiers pas d'écrivain bienséant. Ce que dit là Philip Roth, Mark Weisman, à propos de sa propre démarche, c'est qu'en mettant un Portnoy sur un divan d'analyse, il ne voulait pas, comme on le trouve chez Woody Allen, mettre en scène une faiblesse, quelqu'un qui n'y arrive pas, qui ne peut pas, etc. Il voulait au contraire mettre en scène quelqu'un qui, dans l'outrance, dans l'excès, comprend que la règle est qu'il n'y a pas de règle. Et c'est là le point qui fait vraiment la différence entre Philip Roth et Woody Allen. Oui, ce qui fait, enfin, la séance de psychanalyste, il le dit, lui sert de moyen littéraire en fait. À travers la séance de psychanalyste, il peut développer un monologue. Mais ce qui fait la vraie différence dans ce qui vient d'être dit, c'est la manière dont, en fait, le fils révolté qui se moque de ses parents est lui-même la vraie cible de la satire de Roth. Et donc c'est une sorte de satire à tiroir en quelque sorte. Oui, se moque de Woody Allen, si je puis dire, comme figure voilà, typique. Voilà, le seul qui rit vraiment dans l'histoire, c'est Roth en écrivant. L'idée que le personnage, la méchanceté de la raillerie, il parle d'hyper-réalisme de la satire, c'est intéressant. La dérision est pas hyper-réaliste, alors que la satire l'est. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment d'aller au fond des choses. Mm-hmm. L'ignoble méchanceté de la raillerie combiné à l'hyper-réalisme de la satire et la dimension de révolte qui est réelle, que Roth prend très au sérieux dans ses livres, est en même temps ce qui coince le fils qui parle. Le fils est prisonnier de sa propre révolte. Voilà, c'est ça. Et ce que Roth met en scène, c'est cette prison de la révolte. C'est à la fois la révolte et la prison de la révolte. Et il joue avec ça constamment. Il y a quelque chose qui me semble assez profond là-dedans. Il y a aussi une violence, une envie contre la société qui doit sortir par cette liberté, le fait qu'il n'y a pas de normes, et c'est ça qu'on construit alors sur le divan d'analyse, mais en fait littérairement. Et là encore, il y a quelque chose qui vous donne tout à fait raison dans cette analyse, Marc Weissman, ce sont les propos que Philippe Roth tient. Il s'agit d'un documentaire de 2009 et avec un autre bout d'entretien réalisé avec Roth en 2014-2015. Tout cela a été diffusé par François Bunel dans la Grande Librairie en 2015 sur France 5. Pour réussir à devenir un artiste sérieux, il faut, malheureusement, avoir été d'une grande élévation morale dans sa jeunesse. Et il faut mépriser, en tout cas, moi, j'avais besoin de mépriser tout le côté commercial de la vie américaine. J'en avais besoin personnellement, d'autres l'ont peut-être fait plus élégamment que moi. Il fallait que je méprise tout cela pour réussir à devenir, non pas juste un écrivain, mais un certain type d'écrivain. Il a fallu que je me cogne la tête, le front contre les murs, jusqu'à ce que le sang me coule sur le front, pour passer à travers. Personne ne m'a jamais dit qu'il me suffisait de le contourner. Si tu suis le mur suffisamment loin, tu arrives au bout, il n'y a plus qu'à passer de l'autre côté. Mais il fallait que je fasse ce que j'avais besoin de faire à cette époque-là, et dans ce pays, c'est-à-dire dans les années 50. Ce mur était plus facile à percer dans les années 60. C'était même plus un mur. On s'avançait, on faisait pfff, et s'écroulait. Mais dans les années 50, c'était un grand mur de décorum, de bienséance et tout le reste. Donc il fallait s'y cogner le front. J'ai des cicatrices, là. Vous voulez voir ? Il y a une violence, là, dans le propos de Roth, qui est assez troublante, Marc Weissman. Oui, mais ces livres sont violents. Si on lit Ma vie d'homme, c'est un livre brutal. Même Portnoy, Philippe disait que c'était un livre... si on le lisait comme il devait être lu, c'était un livre sur la brutalité d'une famille juive. Oui. C'était pas juste une comédie. Le théâtre de Saba, c'est clairement un livre brutal. Donc la pastorale américaine explore une rebelle. La tâche. Et la tâche, bien sûr. Donc c'est le rire et le rire de la révolte et de l'absurdité de la révolte en même temps. Ce qui dit, il y a un des passages dans le même texte, Pourquoi écrire, hein, il parle de ces personnages comme de personnages qui définit comme une bande d'individus qui ont un penchant pour la provocation canaille, l'improvisation satirique, l'imposture impétueuse, des révérences railleuses, etc., etc. Il y a quelque chose. C'est un écrivain qui appartient à la génération des Lenny Bruce, plus que de Woody Allen, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment dans. Et effectivement, il vient des années 50, qui est probablement la décennie la plus conformiste de la vie américaine. Et c'est ça qu'il va chercher à briser après avoir été lui-même piégé, parce que dans ce qu'il raconte dans Ma vie d'homme, c'est dans sa jeunesse. C'est le désir de devenir un homme responsable, donc de devenir vraiment le bon citoyen responsable américain. C'est ça qui va briser. Daniel Lopin, mais justement, j'allais me tourner vers vous. Est-ce que vous sentiez des choses comme ça chez Woody Allen, ou ça lui est étranger? Je trouve, mais je suis beaucoup moins intellectuelle que vous deux, mais je trouve que les deux auteurs, Woody Allen et Philippe Roth parle de la politique américaine beaucoup plus. Je veux dire, tout ce qui s'est passé dans les années 50 et tout ça, 60 et après, ces livres sont profondément politiques. Que pour moi, Woody Allen, c'est autre chose. Oui, c'est politique peut-être, mais c'est beaucoup plus juif dans le sens, la famille, par exemple, ce film Radio Days, je sais pas, qui est vraiment pour moi l'histoire de sa famille, plus que Annie Hall, plus que d'autres. Oui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, je suis entièrement d'accord. Continuez, Daniel, parce que c'est intéressant. Et je trouve vraiment que Philippe Roth, pour moi, c'est vraiment ce qu'il raconte. C'est important, surtout aujourd'hui, de ce qui se passe en Amérique, qui est tragique. Oui. Je veux dire, politiquement, je trouve que c'est un auteur politique, quoi, en dehors de tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous êtes d'accord avec moi. Et pas Woody Allen, c'est ce que vous dites. Chez Woody Allen. Non, Woody Allen, c'est autre chose. Woody Allen, c'est beaucoup plus sa famille, ses problèmes avec les femmes, ses problèmes avec lui-même, qu'il aurait voulu être beau. Il joue la clarinette, il est... Ouais. Pour moi, ils sont très différents. Est-ce qu'on peut dire, puisque on a tous dit qu'il y avait des éléments de culture juive ashkénaze, que Woody Allen joue avec un personnage de la culture yiddish qui est le schlemil, c'est-à-dire celui qui rate tout, qui n'y arrive pas, le bon à rien. Voilà. Et qu'en fait, bon, alors, il ne l'est pas puisqu'il joue avec. Enfin, il ne faut pas non plus tomber trop dedans, sinon c'est plus drôle. Il ne l'est pas, faut pas rater les blagues, comme dirait Jean-Yves. Oui, mais tous ces personnages sont des artistes. Oui. Alors, des artistes torturés, malheureux ou autres, mais ils sont des artistes ou des gens qui ont du succès. Oui. Donc, et ça, c'est moins politique, forcément, que d'aller... En tout cas, il n'y a pas cette violence contestatrice qu'il y a chez Roth et qu'il fallait absolument faire ressortir, là, dans cette comparaison. Ce qu'on peut mettre en regard, comme ça, c'est qu'à l'époque où il tourne Annie Hall et Manhattan, c'est-à-dire 76, 77, 78, c'est les mêmes années où Taxi Driver sort. Oui. C'est-à-dire que la représentation de New York est quand même pas tout à fait la même. Mmh. C'est-à-dire que politiquement, il y a chez Scorsese, avec Taxi Driver, mais aussi beaucoup d'autres films de ce moment-là, une captation du réel qui est extrêmement cruelle. C'est une ville qui est une poubelle à ciel ouvert, où tous les problèmes jaillissent comme ça. Chez Woody Allen, non, pas du tout. C'est une petite bourgade charmante où des gens ou des intellectuels se retrouvent dans des cafés, dans des cinémas, dans des expos et discutent, etc. Je dis pas que cette réalité n'existe pas, mais en tout cas, il préserve cette réalité-là, la sienne et celle de ses personnages, d'une autre réalité beaucoup plus violente et beaucoup plus politiquement engagé. Alors, il y a quand même quelques pics envoyés à l'Amérique conforme. Écoutons encore un extrait de Annie Hall. Vous vous appelez comment ? Allison. Ah. Allison, comment ? Portchnik. Allison, Portchnik. C'est jamais. Merci. Allison, Portchnik. Alors, si je vous ai bien compris, vous travaillez pour Stevenson à plein temps, c'est ça ? Non. En fait, en même temps, je prépare une thèse. Sur quoi ? Sur l'engagement politique dans la littérature du XXe siècle. You're like New York Jewish left-wing liberal intellectual, Central Park West, Brandeis University, the socialist summer camps, and the father with the Ben Shahn drawings, right? And the really, you know, strike-oriented kind of... stop me before I make a complete imbecile of myself. Vous êtes donc judéo-new-yorkaise, politiquement à gauche, intellectuel super friqué et tout ce qu'il y a de bon genre pour les centres aérés de familles nombreuses et votre père s'offre des crobots du réalisme social, c'est bien ça, et qui plus est, vous êtes progréviste et tout ce qui s'ensuit. Hein. Je vous en prie, arrêtez-moi avant que je me couvre de ridicule. No, that was wonderful. I love being reduced to a cultural stereotype. Non, c'était formidable. J'adore me voir réduite à un stéréotype culturel. C'est vrai, je fais plutôt réac, mais c'est pour la gauche, bien entendu. Vous, il va falloir que j'y aille. Oui. Alors, dites-moi quelque chose pour m'encourager, vite. Je vous trouve chic. I think you're cute. Là, c'est pas l'autodérision, c'est carrément... Enfin, il se moque d'elle, quoi. Et en même temps, ça nous fait hurler de rire. Donc, je voulais comprendre pourquoi. Mais il se moque d'elle, il se moque aussi de cette communauté dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de cette communauté hyper privilégiée et particulière et chic, qui connaît tout, qui a tout lu, qui a tout vu, qui sait tout et qui peut donc en parler, qui est une minorité... majoritairement détesté par l'Amérique, qui est... C'est une minorité qui lit Philip Roth, par exemple. Ah, c'est une communauté qui lit Philip Roth, ça, assurément, oui. Donc c'est un peu compliqué, là. C'est-à-dire que, oui, Philip Roth moque Woody Allen, même s'il n'est jamais nommé. Mais Woody Allen envoie quelques pics au lecteur, en tout cas, de Philip Roth. Au lecteur, oui. Ça, c'est différent. D'accord. Mark Weisman, il y a aussi des... Il y a aussi une deuxième vie de Philip Roth, littérairement. Je trouve qu'à partir de, le rabaissement 2009, mais déjà avant Exit le fantôme 2007, Un homme 2006, il y a un côté loser qui le met en scène. J'ai pas dit qu'il met en scène un peu la perte, l'incontinence terrible de ce Nathan Zuckerman vieillissant dans Exit le fantôme qui laisse une trace d'urine dans le lac où il nage dans les Berkshires. Roth, vous dites qu'il n'aime pas la faiblesse, mais il a bien quand même peint la faiblesse à la fin. Il peint la mort. Il peint le chemin vers la mort, c'est un peu différent. Il peint le vieillissement, la décrépitude et la mort. Ouais. Un homme, c'est clairement ça. Tous les livres de la fin sont là-dessus, presque. Mais essentiellement, ce qui peint derrière le. On parlait de la révolte politique tout à l'heure, de la révolte contre le conformisme. Ce qui peint surtout, c'est l'interrogation au-delà de la. La révolte contre le conformisme n'a de sens que parce qu'il y a une interrogation existentielle sur le sens de la vie. Et c'est ça qui unit tous les livres, à mon avis. Vous ne voyez pas une rupture, là ? Il y a une rupture formelle, déjà, parce que les livres deviennent plus courts et plus franchement tragiques. Mais je ne vois pas de rupture de fond quant aux interrogations qui sont posées. Et le dernier livre, Némésis, il retrouve quelque chose qui court dans toute son œuvre, qui est le désir d'accomplir sa vie, le désir d'héroïsme, qui est très important, et confronté aux limites de l'existence. Il citait la phrase de Kafka, le sens de la vie, c'est qu'elle s'arrête. C'est une des phrases clés de toute son œuvre, en fait. Et donc, ce sens de la précarité, c'est-à-dire, c'est pas tellement le côté loser, c'est le sens que les choses sont précaires. Mmh. Et aussi la vie en Amérique. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée que la vie en Amérique était à la fois détestable par certains côtés, mais un miracle pour les Juifs de sa génération, et que ce miracle était très précaire. Et donc ce sens qu'on a une chance exceptionnelle sur cette chance américaine était aussi quelque chose d'extrêmement précaire, parce que la vie est précaire et les opportunités qu'elle vous offre peuvent disparaître en un claquement de doigts. Ça, c'est quelque chose qui est court dans toute son œuvre et qui, effectivement, à la fin, apparaît clairement parce que la mort approche. Magnifique. Il part surtout, enfin, en partie, de la polio, de la peur d'avoir. Némésis. Oui. Et c'est une époque où c'était terrible parce qu'il n'y avait pas la sol, qu'il n'avait pas inventé le vaccin. Et ça m'avait beaucoup troublé et fait mal quand j'ai lu ça, parce qu'il parle de ça comme quelque chose, comme une peur terrible de cette génération-là, des gens qui avaient peur d'attraper la polio, quoi. Il travaillait sur, et c'est ce qui revient à la fin, ce qui va arriver sans qu'on puisse le prédire, l'imprévisible. Par exemple, une maladie qui vient casser, vous battez pour construire quelque chose dans votre vie, et quelque chose de complètement improbable va venir casser tous vos projets et tout votre combat, et vous avez l'impression de contrôler votre vie et de vous battre pour vous accomplir. Et soudainement, un truc ridicule va venir tout foutre en l'air. Ça, c'est vraiment ce qui est commun à la quasi-totalité de ses livres, surtout à partir de La Contre-vie et les suivants, Pastorale américaine, Le théâtre de Sabbat, La tâche aussi. Bien sûr. À chaque fois, c'est des personnages forts qui se sont battus pour réussir, comme l'Amérique elle-même, en quelque sorte, et qui vont se faire balayer, détruire par un truc complètement ridicule. Bruno Richard, j'ai l'impression quand même que chez Woody Allen aussi, il y a une note plus sombre à un moment donné. Dans Deconstructing Harry dans tous ses états, tout d'un coup, il devient flou à l'antenne. Alors, c'est encore plus précis en anglais, parce qu'il y a deux mots pour dire flou, ouais. Blurred, mais en fait, il est out of focus. Et comme son acteur qui incarne un personnage, puisque Harry, en fait, c'est un auteur de pièces de théâtre et de romans, Mel, qui devient tout d'un coup flou. Et ce flou, il y a un truc de déprime là, c'est-à-dire je sors du cadre. Et en même temps, c'est encore drôle. C'est ça la différence avec peut-être Roth, c'est que c'est sombre, mais il réussit encore à rire du fait, quand il dit « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis flou, je suis out of focus. » Mais il y a eu une évolution dans le cinéma de Woody Allen, mais avec toujours quelques lignes de force, et notamment cette invention formelle, qui n'est pas une invention formelle absolument déterminante, mais faire d'un personnage flou, c'est assez formidable. Son film préféré, enfin le film préféré qu'il revendique, c'est La Rose Pourpre du Caire, où un personnage sort de l'écran, où un spectateur entre dans le cinéma. Donc tout ça, il a jamais cherché il a toujours cherché des solutions formelles comme ça à son discours. L'autre élément, c'est qu'il est passé d'une forme de pessimisme caricatural juif new-yorkais à une forme de fatalisme quand même. Fatalisme bien aidé par l'âge, par sa relative incompréhension des nouvelles générations, en tout cas la mise en scène de cela. Il y a un personnage qui me fascine chez lui, c'est Zelig. C'est cette manière comme ça de retracer la vie de quelqu'un qui ne peut se voir que dans le regard des autres. Mmh. Et c'est-à-dire en prenant exactement l'apparence et les traits de caractère de ceux qui le connaissent et le reconnaissent. Et que pour exister, il faut être à l'image des autres. Et se noyer là-dedans. Et c'est aussi une des clés du à la fois du comique et du cinéma de Allen, c'est cette perméabilité comme ça à des éléments extérieurs qui semblent l'engloutir complètement, mais dont au fond il est le grand ordonnateur dans ses films, tout comme la référence au hasard. Le hasard est devenu de plus en plus présent dans ses films. Et c'est symbolisé par une scène dans Match Point où une vie entière peut basculer sur un élément absolument anodin. C'est-à-dire que la balle de tennis peut tomber d'un côté ou de l'autre. Si elle tombe du mauvais côté, on a perdu pour la vie. Et si elle passe de l'autre côté, on a gagné. On pourrait en parler des heures. Vraiment, merci beaucoup, Marc Weissmann, Tania Lopert et Bruno Hischer pour ce voyage dans les œuvres de Woody Allen et de Philippe Roth. Les références de vos travaux figurent sur le site d'Avec Philosophie. Et je vous propose d'écouter à présent la chronique de Frédéric Worms qui, cette semaine, nous parle de la question et du mystère. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi a-t-on des interrogations ? L'être humain, dit-on, est l'être qui pose des questions. Alors pourquoi est-ce qu'on pose des questions ? Il y a plusieurs réponses possibles à cette question elle-même. On peut poser des questions d'abord parce qu'on a nous sommes des êtres vivants, nous avons besoin de réponses pratiques. On peut poser des questions aussi parce que des choses nous étonnent, appellent des réponses par le savoir que nous pouvons tenter de vérifier. Pourquoi y a-t-il de la neige ? À quel degré de température la neige commence-t-elle à se former, puis à disparaître, puis à se transformer encore ? Nous pouvons faire des expérience, nous pouvons avoir des réponses, heureusement, à certaines questions. Et il le faut, puisque les questions deviennent des problèmes qui ont quelque chose de vital et qu'il faut absolument résoudre. Mais beaucoup de philosophes, c'est d'ailleurs un peu leur domaine de questionner les questions, beaucoup de philosophes ont soutenu que, au fond, la capacité à poser des questions dévoilait quelque chose de notre nature profonde qui ne consiste pas dans le désir d'avoir des réponses. Poser des questions, ce n'est pas seulement une affaire de curiosité objective, ou même vital, d'avoir besoin de savoir à quelle température l'eau bout et commence à nous brûler ou à détruire notre corps. Peut-être que la capacité à poser des questions révèle une mise en cause de l'être lui-même. C'est bien sûr Heidegger, suivi par Sartre dans L'être et le néant, qui a un chapitre extrêmement profond sur la notion d'interrogation, prolongé aussi par des auteurs peut-être moins connus, comme la philosophe Jeanne Delhomme, avec son livre admirable sur l'interrogation philosophique. Heidegger, qui lui-même suivait Kierkegaard et qui disait la capacité à poser des questions, et parmi toutes les questions, la plus grande question, la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, la question de l'être, la question qui met tout en cause, la question de la possibilité du néant ou de la mort, cette capacité à poser des questions change notre rapport à l'être, ou plutôt selon lui, nous fait accéder à un rapport à l'être qui consiste dans la question elle-même et non pas du tout dans l'effort pour apporter une réponse. L'être humain serait l'être questionnant, l'être interrogateur. Alors peut-être que D'autres philosophes ont eu raison de critiquer cette sorte d'hyperbolique de la question infinie en disant justement que c'était un faux problème. Bergson a tenté de montrer, lui, qu'au contraire, au fond, nous posons des questions par notre insatisfaction d'êtres humains, que nous généralisons et nous nous donnons le vertige, nous prenons l'attitude du penseur en disant pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, alors qu'en fait nous nous posons ces questions quand tout va bien ou quand tout va mal, mais pas dans la vie réelle où nous nous étonnons que quelque chose de nouveau arrive et où nous créons quelque chose sans cesse. Il y a donc aussi des faux problèmes. Mais peut-être que l'interrogation, c'est en effet la question perpétuelle, les questions aussi que nous nous adressons qui ne cessent de surgir et que l'interrogation est d'abord un regard critique sur les questions elles-mêmes. Une façon de critiquer nos questions qui sans cesse doivent se préciser et aussi une façon de comprendre que les questions prennent toujours place dans les relations entre des êtres humains qui parlent, qui discutent et qui se disputent. L'interrogation, le terme le dit bien, c'est aussi une relation de parole, une relation de discours. Nous attendons des réponses, nous pouvons les critiquer, nous pouvons passer à une autre question. Les philosophes s'interrogent mutuellement. Les uns disent que la question de l'être est la plus profonde, d'autres disent que c'est une fiction. En tout cas, c'est un problème partagé, ce qui doit persister de l'interrogation au-delà des réponses et des problèmes. Ce qui doit persister, c'est l'espace de la discussion. Merci Frédéric Worms. Cette émission a été réalisée par Riad Kera avec à la technique Anthony Thomasson. Elle a été préparée en particulier par Louise Labarthe et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Anna Feulpin, Chaïma Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.